Chapitre 3e. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Confucius. Il y a sur les îles d'Arnancor plusieurs bibliothèques renfermant des informations fondamentales pour les elfes et aussi pour les humains, telles que tables généalogiques, données scientifiques, formules inaccessibles au commun, recettes et procédés divers plus ou moins oubliés, et un tas d'autres documents plus précieux et surprenants les uns que les autres. Une bibliothèque de cartographie se trouve au sud-ouest de Xanthir, avec un département de cosmographie qui ferait rêver plus d'un astronome, et une salle entière dédiée aux cartes marines et aux planisphères, non seulement d'Elphinie et de ses mondes, mais aussi d'Humania et d'autres dimensions que je ne connais pas encore. La plus grande de toutes les bibliothèques est sans nul doute possible celle de Xanthir, qui s'étend vers le nord-est, bien au-delà des cataractes et vers le sud, en direction de la bibliothèque de cartographie. La bibliothèque de Runvad sur l'île principale d'Arnancor est celle que j'ai visitée en premier. Elle est relativement difficile d'accès, car elle se trouve dans les gorges de Runvad, à l'est du village du même nom qui surplombe le fjord de Imbrok. Même s'il ne fit pas partie des bibliothèques principales, la discrète bibliothèque royale située au nord de la ville souterraine d'Arnancor est celle où j'établis ma table et mon lit, comme l'ont surnommé très vite et très malicieusement mes amis elfes. C'est un lieu un peu inconfortable, mais j'y passe, lorsque je suis en Elphinie, la plupart de mes jours, et parfois mes nuits, car, bien que proche de mon logis, elle a l'incontestable avantage d'avoir une vue incomparable vers le port de la baie des géants et vers les landes de Gribd Imbrok. Les plus mystérieuses des salles auxquelles j'ai eu accès se trouvent à la gorge du dragon debout. Les documents que l'on peut consulter sont sous forme de vibrations que l'on sent en passant les mains sur des colonnes recouvertes de mica et de pierres précieuses qui font office d'étagères en quelque sorte. Même à présent, je ne peux y aller que peu et rarement à cause de certaines vibrations qui m'affaiblissent. La salle des archives de Gribd at Alfman, aux abords de la halte royale du même nom, à un jour de marche au sud des gorges du Dragon debout, est un vaste et faussement précaire abri elfique, contrairement aux autres bibliothèques qui se trouvent dans des lieux très abrités, la plupart du temps sous terre. Je dois dire que c'est à mes yeux une merveille de bibliothèque, tout en bois et en argile verte éclairée de larges baies en boiseries fines et ornées de magnifiques fresques. J'ai trouvé dans ces lieux une force et une magie que je n'avais jamais aussi bien ressentie avant. La tour elfique de l'Ouest, enfin, a mérité dès mon arrivée en Elphinie mon attention par le désordre étrange qui y règne. À côté, une tour de feu, c'est la plus désorganisée et la plus délaissée. Elle ne présente pas d'intérêt pour les elfes, mais justement parce qu'elle n'en présente aucun, mais qu'elle se trouve sous la protection d'une tour de feu gardée jour et nuit, ma curiosité a été éveillée. L'unique salle est minuscule, et les livres sont enfermés dans des coffres qui n'ont rien d'elfique par leurs fractures grossières et leurs serrures trop simples. En apprenant tous ces détails, mes amis, aussi bien elfes qu'humains, se rendront compte que la tâche que m'avait confiée le sage Ilis, en me demandant de rédiger les chroniques d'Arnancor, ne serait pas une mission de tout repos. Il y a des lieux que je n'ai pas encore visités, mais les documents sauvegardés dans ces bibliothèques suffiront sans doute pour mener à bien au moins le début de la mission que je dois accomplir. Mais revenons à la bibliothèque de Xanthir, car j'étais en train de vous narrer mon arrivée souterraine par le lac d'Emeraude. Ma mission elle-même ne commença pas tout de suite. Je dois dire à ma grande honte que dès la première heure je ne pus supporter la trop grande saturation vibratoire, ainsi l'appellent les elfes, du lieu, et j'ai dû rester alité plusieurs jours alors que je frémissais d'impatience de connaître les lieux et les personnes. Mais après les premières heures de malaise et d'étourdissement, vraiment éprouvants et parfois angoissants, les premiers jours d'immobilité forcée m'offrirent le temps de lire les missives que m'avaient envoyées mes amis. Irimald, ayant eu de mes nouvelles, je ne sais par qui, de la sévérité de ma blessure, s'inquiétait, et le sieur Rixel me donnant des nouvelles plus ou moins importantes cachait tant bien que mal son insatiable curiosité. Je savais dès les premiers instants passés en Elphinie que j'aurais toujours ces malaises et ces difficultés d'acclimatation en divers lieux, un peu comme un alpiniste qui monterait trop hâtivement au sommet d'une montagne. Je pris donc mon mal en patience et partageai mon temps entre méditation, correspondance et lecture des nombreux courriers qui m'attendaient depuis mon arrivée sur l'île et la contemplation paisible et vivifiante du magnifique paysage que l'on apercevait à travers la baie taillée dans le roc de la falaise et qui dominait un jardin de fleurs et de plantes aquatiques car nous étions au pied des chutes. Ce malaise-là semblait plus douloureux à cause de la blessure à l'épaule. Elle restait enflammée, paralysant tellement mon épaule que cela me décida à demander conseil et en expliquer l'origine au sage Ulgar, qui, sans maudire, me soigna, faisant disparaître la douleur rapidement. Il vit bien que j'avais une hésitation lorsqu'avant de mettre la pommade, il me parla d'un éventuel retour à Arnencore. Là, ma blessure guérirait très rapidement. Lorsque je lui répondis que mon hésitation ne venait pas de mon désir de partir, mais de celui de ne pas me soigner afin de laisser le feu de Tully dans mon épaule, il éclata d'un grand rire chaleureux et réconfortant et commença à appliquer élixir et onguent en récitant les incantations nécessaires. Bientôt la douleur s'atténua et fit place à une raideur qui devait disparaître au bout de quelques jours. Ne restait que la large cicatrice qui me rappelle encore ma première rencontre avec le dragon Tempête. Tully n'a pas la conscience de sa force. Lorsqu'il vous connaîtra, il regrettera son geste et en sera peu fier, marmonna le sage en examinant 2 jours plus tard la large marque. Je sursautai en entendant ces mots. « Vous connaissez Tully? Vous le connaissez ? » insistai-je. « Chaque elfe connaît Tully. » Je le regardais, et avec un brin de cette mélancolie profonde qui troublait l'excès mon âme depuis toujours, je lui dis « Pourquoi ne me laisse-t-il pas l'aimer simplement ?» Il me répondit d'une façon sibylline « Aimer la tempête et le feu. » Son regard était empreint d'une telle bonté profonde et calme que je ne sus que répondre, mais ces mots restent encore aujourd'hui en moi. Ce fut mon premier pas d'initié, même si mon initiation réelle à la magie d'Elphinie ne commença que bien plus tard. 5 jours suffirent pour me permettre à mon corps et à mon esprit d'assimiler la puissance vibratoire du lieu. Je commençai alors lentement à sortir de mon logis, puis à rencontrer les personnes et les êtres qui devaient m'aider dans ma tâche. Je fis d'abord la connaissance de Soirin, un elfe gris d'une élégance altière, d'un abord taciturne et austère, et d'une froideur que seul un elfe est capable de rendre à ce point, frôlant vertigineusement la désobligeance, sans que l'on puisse rien y trouver à redire. Notre relation resta longtemps très cérémonieuse et légèrement guindée. Il me fit visiter toutes les salles, une par une, superficiellement pour certaines à cause du haut taux vibratoire, plus largement pour d'autres. La bibliothèque de Xantir a cela de particulier, et c'est aussi ce qui la rend si précieuse, qu'elle a été édifiée par les 7 races. Elle est donc composée d'innombrables salles, dont la plus majestueuse, celle du peuple des elfes, est située au centre, tout en volutes, et un arc vivant formé par des arbres majestueux et complété par des supports, portes et colonnes sculptées dans ce magnifique bois jaune pâle si présent sur l'île. Surmontant le tout, une incroyable verrière se trouve mystérieusement suspendue à une hauteur vertigineuse, ses couleurs changeantes reçoivent les flots scintillants d'une des cascades qui entourent le cirque de falaises sous lequel a été édifiée la bibliothèque. L'un des côtés de cette salle, celle qui donne vers l'est, se termine par un large escalier de granit et de mica qui descend vers une partie du lac d'Émeraude qui est le domaine sous-marin des Ophinites, ou peuple sous la mer. Leur monde ne m'était pas encore accessible lors de mes premiers séjours à Xantir. Ce n'est que récemment que j'ai pu m'y rendre. Les salles autour de l'espace central sont disposées sous la forme d'un nautile, avec une particularité plus ou moins étrange dans chaque salle suivant le peuple dont elle conserve les archives. L'une d'elles en particulier m'attire encore aujourd'hui. Elle est en porphyre d'un rouge sombre, polie et mouchetée de minuscules éclats plus cramoisis. Une colonne centrale se divise au sommet en une sorte de palmier, dont les 4 branches représentent exactement les points cardinaux. C'est une salle du peuple atlante qui renferme quantité de rouleaux et de coffrets très anciens. La salle des Drachnites est construite en ce qui me sembla être de prime abord un grès blanc, mais qui est en réalité une légère roche volcanique dont la blancheur est due au lichen qui peu à peu l'ont imprégnée jusqu'à la rendre immaculée, en une de ces magies coutumières en Elphinie. Les documents sont contenus à l'intérieur d'espèces de jarres ovoïdes hermétiquement closes, mais qui, lorsqu'on les prend à 2 mains, révèlent à notre esprit le contenu. Je dois dire que l'expérience a été pour moi traumatisante, et je n'ai pas encore tenté une autre lecture, laissant ce soin à Svarin. Ce n'est qu'après avoir visité une grande partie de la bibliothèque que je réalisais réellement la tâche qui m'attendait. À vrai dire, je ne savais par où commencer. Je me posais 1000 questions sur cette étrange mission que pas un jour ne s'était passé sans que devant moi se présente la preuve de mes piètres connaissances et de mes lacunes. Un énorme savoir résidait dans cette bibliothèque qui, comme une entité à part entière, déployait ses tentacules sous forme de savoir ancien, de découvertes, de langages inconnus, de notes et de chiffres dans l'esprit de chaque savant ou de simple visiteur qui y séjournait. À ce moment-là, je désirais plus que tout me retrouver à Arnencore, sur la grève au galet froid, avec le vent de l'ouest et les vagues qui rugissaient en se fracassant sur la chaussée des géants. Je retournais le soir dans mes appartements et je me mis machinalement à relire des notes que j'avais prises avant de venir à Xantir, dans un coin. Tracé à la hâte, j'avais écrit cette phrase qui ne me quittait jamais depuis le départ de ma douce amie Odeline. « Tout ce que tu me promettrais serait bon pour moi, pour toi, pour le peuple Delphini et pour les humains. » Et plus bas, entouré de croquis et d'essais à l'écriture d'alphabet runique, j'avais calligraphié maladroitement « Commencer par le commencement, c'est-à-dire soi-même. » J'avais là les réponses à mes questions.